Tandis que nobles et généraux partent alors pour élucider ensemble ce drame, les deux fils du roi jugent plus prudent de quitter l'Écosse. Le cadet part en Irlande, son frère aîné Malcolm part en Angleterre. Mais leur fuite à tous deux les rend aussitôt suspects eux-mêmes de l'assassinat de leur père. Banquo entre dans une salle du palais de Forres à l'est d'Inverness. Roi, Cawdor, Glamis, tu possèdes maintenant tout ce que t'avais promis les femmes fatidiques, et j'ai peur que tu ne joues dans ce but un jeu bien sinistre. Cependant, elles ont dit que ta postérité n'hériterait pas de tout cela, et que moi, je serais la racine et le père d'une foule de rois. Si la vérité est sortie de leur bouche, ainsi que leur prophétie sur toi, Macbeth en sont la preuve éclatante. Pourquoi, véridiques à ton égard, ne pourraient-elles pas aussi bien être des oracles pour moi et autoriser mon espoir? Mais chut, taisons-nous.